Leçon. Qu'il se tienne dans l'angle de la chambre, qu'il mesure, comme il a fait jadis le plomb, les lignes que j'assemble en questionnant, me rappelant sa fin, que sa droiture garde ma main d'errer ou d'évier si elle tremble. Autrefois, moi l'effrayé, l'ignorant, vivant à peine, me couvrant d'images les yeux, j'ai prétendu guider mourants et morts. Moi, poète abrité, épargné, souffrant à peine, aller tracer des routes jusque-là? À présent, lampe soufflée, main plus errante qui tremble, je recommence lentement dans l'air. Raisins et figues, couvés au loin par les montagnes, sous les lents nuages et la fraîcheur, sans doute, sans doute. Vient un moment où l'aîné se couche, presque sans force, on voit, de jour en jour, son pas moins assuré. Il ne s'agit plus de passer, comme l'eau entre les herbes, cela ne se tourne pas. Lorsque le maître lui-même, si vite, est emmené si loin, je cherche ce qui peut le suivre. Ni la lanterne des fruits, ni l'oiseau aventureux, ni la plus pure des images, plutôt le linge et l'eau changés, la main qui veille, plutôt le cœur endurant. Je ne voudrais plus qu'éloigner ce qui nous sépare du clair, laisser seulement la place à la bonté dédaignée. J'écoute des hommes vieux qui se sont accordés au jour. J'apprends à leurs pieds la patience. Ils n'ont pas de pire écolier. Sinon le premier coup, c'est le premier éclat de la douleur, que soit ainsi jeté bas le maître, la semence, que le bon maître soit ainsi châtié, qu'il semble faible enfanson dans le lit de nouveau trop grand, enfant sans le secours des pleurs, sans secours où qu'il se tourne, acculé, cloué, vidé. Il ne pèse presque plus. La terre qui nous portait tremble. Une stupeur commençait dans ses yeux, que cela fût possible, une tristesse aussi, vaste comme ce qui venait sur lui, qui brisait les barrières de sa vie, verte, pleine d'oiseaux. Lui qui avait toujours aimé son clos, ses murs, lui qui gardait les clés de la maison. Entre la plus lointaine étoile et nous, la distance inimaginable reste encore comme une ligne, un lien comme un chemin. S'il est un lieu hors de toute distance, ce devait être là qu'il se perdait, non pas plus loin que toute étoile, ni moins loin, mais déjà presque dans un autre espace, en dehors, entraîné hors des mesures. Notre maître, de lui à nous, n'avait plus cours, autant comme une lame le brisait sur le genou. Mesurer, laborieux cerveau, oui, mesurer ce qui nous sépare d'astres encore inconnus, tracer, aveugle, ivre, parcourez ces lignes, puis voyez ce qui brise votre règle entre vos mains. Ici, considérez l'unique espace infranchissable. Muet. Le lien des mots commence à se défaire aussi. Il sort des mots. Frontière. Pour un peu de temps, nous le voyons encore. Il n'entend presque plus. Aillerons-nous cet étranger s'il a oublié notre langue, s'il ne s'arrête plus pour écouter? Il a affaire ailleurs. Il n'a plus affaire à rien. Même tourné vers nous, c'est comme si on ne voyait plus que son dos. Dos qui se voûte. Pour passer sous quoi? Qui m'aidera? Nul ne peut venir jusqu'ici. Qui me tiendrait les mains ne tiendrait pas celles qui tremblent. Qui mettrait un écran devant mes yeux ne me garderait pas de voir. Qui serait jour et nuit autour de moi comme un manteau ne pourrait rien contre ce feu, contre ce froid. D'ici, j'atteste au moins qu'il est un mur, qu'aucun engin, qu'aucune trompette n'ébranle. Rien ne m'attend plus désormais que le plus long et le pire. Est-ce ainsi qu'il se tait dans l'étroitesse de la nuit ? C'est sur nous maintenant comme une montagne en surplomb. Dans son ombre glacée, on est réduit à vénérer et à vomir. À peine ose-t-on voir. Quelque chose s'enfonce pour détruire. Quelle pitié quand l'autre monde enfonce dans un corps son coin. N'attendez pas que je marie la lumière à ce fer. Le front contre le mur de la montagne, dans le jour froid, nous sommes pleins d'horreur et de pitié. Dans le jour hérissé d'oiseaux. On peut nommer cela horreur, ordure, prononcer même les mots de l'ordure, déchiffrés dans le linge des bas-fonds. À quelque singerie que se livre le poète, cela n'entrera pas dans sa page d'écriture. Ordure, non à dire, ni à voir, à dévorer. En même temps, simple comme de la terre. Se peut-il que la plus épaisse nuit n'enveloppe cela? L'illimité accouple ou déchire. On sent un remugle de vieux dieux. Misère, comme une montagne sur nous écroulée. Pour avoir fait pareille déchirure, ce ne peut être un rêve simplement qui se dissipe. L'homme, s'il n'était qu'un nœud d'air, faudrait-il pour le dénouer faire si tranchant? Bourré de larmes, tous, le front contre ce mur. Plutôt que son inconsistance, n'est-ce pas la réalité de notre vie qu'on nous apprend? Instruit au fouet. Un simple souffle, un nœud léger de l'air, une graine échappée aux herbes folles du temps, rien qu'une voix qui volerait chantant à travers l'ombre et la lumière, s'efface-t-il? Aucune trace de blessure. La voix tue, on dirait plutôt un instant, l'étendue apaisée, le jour plus pur. Qui sommes-nous qu'il faille se faire dans le sang? On le déchire, on l'arrache. Cette chambre où nous nous serrons est déchirée, notre fibre crie. Si c'était le voile du temps qui se déchire, la cage du corps qui se brise, si c'était l'autre naissance, on passerait par le chat de la plaie. On entrerait vivant dans l'éternel. Accoucheuse si calme, si sévère, avez-vous entendu le cri d'une nouvelle vie? Moi, je n'ai vu que cire qui perdait sa flamme et pas la place entre ses lèvres sèches pour l'envol d'aucun oiseau. Plus aucun souffle, comme quand le vent du matin a eu raison de la dernière bougie. Il y a en nous un si profond silence qu'une comète en route vers la nuit des filles de nos filles, nous l'entendrions. Déjà ce n'est plus lui, souffle arraché, méconnaissable, cadavre. Un météore nous est moins lointain. Qu'on emporte cela. Un homme, ce hasard aérien, plus grêle sous la foudre qu'insecte de verre et de tulle, ce rocher de bonté grondeuse et de sourire, ce vase plus lourd à mesure de travaux, de souvenirs, arrachez-lui le souffle, pourriture. Qui se venge, et de quoi, par ce crachat? Ah, qu'on nettoie ce lieu! J'ai relevé les yeux. Derrière la fenêtre, au fond du jour, des images, quand même, passent. Navette ou ange de l'être, elle répare l'espace. L'enfant, dans ses jouets, choisit qu'on la dépose auprès du mort, une barque de terre. Le Nil va-t-il couler jusqu'à ce cœur? Longuement, autrefois, j'ai regardé ces barques des tombeaux, pareilles à la corne de la lune. Aujourd'hui, je ne crois plus que l'âme en ait l'usage, ni d'aucun baume, ni d'aucune carte des enfers. Mais si l'invention tendre d'un enfant sortait de notre monde, rejoignait celui que rien ne rejoint, où est-ce nous qu'elle console, sur ce bord? S'il se pouvait, qui saura jamais rien, qu'il est encore une espèce d'être aujourd'hui, de conscience même que l'on croirait proche, serait-ce donc ici qu'il se tiendrait, dans cet enclos, non pas dans la prairie? Se pourrait-il qu'il attendît ici, comme à un rendez-vous donné près de la pierre? qu'il eût l'emploi de nos pas muets, de nos larmes. Comment savoir? Un jour ou l'autre, on voit ces pierres s'enfoncer dans les herbes éternelles. Tôt ou tard, il n'y a plus d'hôte à convier, au repère à son tour enfoui, plus même d'ombre dans nulle ombre. Plutôt, le congédie, n'ai-je plus eu qu'un seul désir, m'adosser à ce mur, pour ne plus regarder à l'opposé que le jour, pour mieux aider les eaux qui prennent source en ces montagnes, à creuser le berceau des herbes, à porter sous les branches basses des figuiers, à travers la nuit d'août, les barques pleines de brûlants soupirs. Et moi, maintenant tout entier dans la cascade céleste, enveloppé dans la chevelure de l'air, ici, l'égal des feuilles les plus lumineuses, suspendu à peine moins haut que la buse, regardant, écoutant, et les papillons sont autant de flammes perdues, les montagnes autant de fumées, un instant d'embrasser le cercle entier du ciel, autour de moi, j'y crois la mort comprise. Je ne vois presque plus rien que la lumière, les cris d'oiseaux lointains en sont les nœuds. La montagne, légère cendre au pied du jour. Toi, cependant, ou tout à fait effacé, et nous laissant moins de cendre que feu d'un soir au foyer, ou invisible habitant l'invisible, ou graine dans la loge de nos cœurs, quoi qu'il en soit, demeure en modèle de patience et de sourire, tel le soleil dans notre dos encore, qui éclaire la table et la page et les raisins.